émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Kenza Farah. Et c'est parti pour une nouvelle soirée dans Planète Rap avec Kenza Farah. Bienvenue, comment ça va Kenza? Ça va au top. Ça va au top, merci, tout va bien. Au top. Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Ben écoute, repos, boulot. Ouais, un petit peu repos, un petit peu de promo. Là, il y avait le match, cool. Eh ben, il y a 2-0 pour l'instant, face à Reims. Donc voilà, tout se passe bien. Tout se passe bien, jusqu'ici, tout va bien. L'album dans 6 jours dans les bacs, donc ça aussi, c'est bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. Pour tous ceux qui te suivent, tous ceux qui envoient des messages avec l'hashtag Kenza Farah sur Skyrock, bah, vous continuez à balancer vos réactions aussi sur vos morceaux préférés, si déjà vous en avez entendu pas mal, hein, parce que t'en as balancé quand même pas mal. Ouais, hier, on en a eu pas mal, et j'ai fait le freestyle aussi de Ilé et Pinkstar. J'ai eu plein de retours sur Pinkstar, donc on va le balancer aussi aujourd'hui. Et bon, on le remettra tout à l'heure. Aussi le titre. Et tu nous expliqueras Pinkstar dans un instant. Justement, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir avec Kenza dans l'émission. Écoutez. Planète Rap, Planète Rap, le replay. Passez une bonne soirée, bienvenue, une nouvelle semaine avec Kenza de retour dans Planète Rap, ça va? Très bien, merci, et toi? Je suis content de te retrouver. Mais moi aussi, ça me fait super plaisir. On est à 7 jours, une semaine avant la sortie, c'est le 29 septembre. C'est ça. C'est un album qui est important pour toi, celui charismatique, celui-ci? Exactement. C'est vrai? Très important, comme tous les albums, mais celui-là, bien sûr, encore plus, parce que voilà, il est nouveau, c'est le dernier bébé, il porte le nom de mon label. Mais oui. Et voilà, c'est plein d'anecdotes, plein d'histoires que je vais vous faire découvrir toute cette semaine. Planète Rap. On va faire juste avant un petit vrai-faux. Tu le sais, sur le net, on trouve tout et n'importe quoi. Et des choses vraies, des choses fausses parfois. Vrai ou faux, tu devais faire un duo avec Snoop. Vrai. C'est vrai? Ouais. Ça s'est pas fait. Sur le premier album, c'était fait, enregistré. Il y a eu des problèmes de papier, de clairance, d'autorisation. Ah, sinon, il était enregistré. Ouais, donc d'autorisation. Donc ce morceau existe. Ouais, il existe, mais il m'appartient plus malheureusement parce que entre-temps j'ai changé un petit peu d'équipe, mais en tout cas il existait. Enfin, dernier vrai ou faux vu sur le net, Charismatique sera ton dernier album. Tu es fou toi? Ça, j'y crois pas moi. Mais non, en plus tu me disais quand j'ai rencontré Abdel qui m'a dit on fera 5 albums minimum. Écoute, tout ce que je peux te dire c'est que j'ai repris le chemin du studio. Ouais. Refais-moi le ding ding ding ding ding. Voilà. C'est moitié hindou, moitié kabyle. Ah oui, Azoul. Voilà. Il est tombé sur ma route, il a chamboulé ma vie. Il m'a dit comment tu t'appelles, je n'ai pas su lui dire. Il m'a fait bégayer. Il a chamboulé ma vie. Il m'a dit comment tu t'appelles, je n'ai pas su lui dire. Il m'a fait bégayer. Il est Skyrock. Ow. Bye bye, j'ai plus le time. Nouveau bijou donc nouveau flow. J'ai plus le time, nouveau bijou donc nouveau flow. Cinquième album sur mesure, 24 carats, c'est pas fini. Rayon père, les Pink Stars dans les bacs de chez Swarovski. Précieux comme un Pink Star. Précieux comme un Pink Star. Précieux comme un Pink Star. Précieux comme un Pink Star. J'tends ton accro, coupé le dos. Debout malgré les coups du sang. On a plus d'un tour dans nos poches. Laissez-nous briller, Précieux comme un Pink Star. Planète Rap. Voilà donc ce morceau qui s'appelle Pink Star que t'as fait en live hier soir dans l'émission. C'était bien hier. C'était bien, hein? Ouais. Il est et Pink Star en live ce soir. D'autres morceaux que tu vas nous chanter? Bien sûr, je vais faire des morceaux en live et il y aura aussi des titres qu'on va découvrir ensemble. On va commencer par Il est parce que c'est le nouveau single que j'ai clippé et qui arrive très prochainement. On a des nouvelles des images. Oui, moi, je suis intéressé par. Je te jure, j'ai pris une capture d'écran. C'est vrai, tu vois, donc le sosie de Cédric, on te voit tout à l'heure à 21h avec Diffoul. Le sosie new-yorkais de Cédric. Donc le clip était à New York. À New York, exactement, la semaine dernière. Et je suis très contente. Et le mec voulait habiller en flic. Il arrive. Et non, mais c'est son vrai métier. Ah, c'est son vrai boulot en plus. Je sais pas si tu vas voir. Et moi, je trouve qu'il y a un air de Cédric. Franchement. Alors il y a un truc. Il y a un truc. C'est dans le double menton. Je sais pas, mais il y a un truc. C'est dans la. Il dans... y a un truc. Attends, on va le montrer pour ceux qui ont la chance de mater l'émission là sur le Skyrock FM. Sinon, on vous le mettra aussi. Vous pourrez aller faire un tour sur le net tout à l'heure. Hein, Skyrock FM, tu regardes. De profil, il y a un truc qui se passe. Hein. T'as vu, c'est dingue. Ouais. Il est là, le son sosie. Bon, on montrera Diffoul tout à l'heure dans la radio libre. Ouais, avec plaisir. On aura le jugement tout à l'heure et on verra donc la copie et l'original. Il y a pas de bon, le clip des nouvelles, il arrive cette semaine, tu sais. Ah, t'as l'air de face. Ah ouais, il y a un truc. T'as vu, mais bon, là, il est rasé de près, le mec, mais il y a un truc. Il a un sosie ou pas? Ouais, c'est le double, triple menton. T'es méchant. Ça ressemble. Ouais, ben le clip, il arrive la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Ah, c'est semaine prochaine, alors? Enfin, oui, cette semaine, je sais pas. Bon, bientôt. Ça arrive, en tout cas, il est validé. Et l'album, par contre, c'est sur lundi. L'album, c'est sûr, le 29. Voilà, dans les bacs, il est déjà en précommande. Album 13 titres, 13 comme Marseille. Marseille, je t'aime. Tiens, voilà. En parlant de ça tout à l'heure, on va faire. Tu aimes bien mes petits jeux, j'ai vu que tu aimais bien mes petits jeux. Sympa, on fera un petit jeu qui s'appelle 1393. 13 ou 93, yes, tu verras. Ce sera tout à l'heure, avant la fin de l'émission. On le fera peut-être dans un instant, après avoir écouté le morceau. Il est pour débuter, on y va. Ok, c'est parti. Et puis on présente un invité qui vient d'arriver. Et aussi, il y a le producteur de Il est en plus qui vient d'arriver. Et ben on en parle avec lui juste après. Go. Pas trop de questions, laisse parler ton cœur, laisse parler tes pulsions. Vu comment tu le décris, je crois qu'il a tout pour plaire. Il a le regard qui tue, le regard revolver. Il te fait rire et attise ta flamme. Le gogol, mais bon, c'est ce qui fait son charme. Je vois que tu n'endors plus la nuit. Ton petit cœur s'emballe quand tu nous parles de lui. Envie de lui plaire, tu fais des efforts. Tu limites pour l'avouer, tu diras qu'on a tort. Je crois que t'es tombé dans son filet. Tu sais, t'es plus la même depuis qu'il est. Célibataire car l'amour m'effraie. Maintenant regarde-toi pour un rien tu ris. Tombé dans tes textos dans une autre galaxie. T'en deviens fou quand t'as plus de batterie. Tu te sens plus quand elle t'envoie des petits coms. Des petits coms. Et quand elle t'appelle baby love. Envie de lui plaire, tu fais des efforts. Limite pour l'avouer, tu diras qu'on a tort. Je crois que t'es tombé dans son filet. Tu sais t'es plus le même depuis qu'elle est. Elle est sur ta route, elle t'a chamboulé la vie. Elle t'a dit il est à l'instant, c'est extrait de l'album de Kenza qui sort dans 6 jours maintenant, lundi 29. Yes. Et on a celui qui a bossé avec toi sur ce morceau. Exactement, sur ce morceau et qui a fait la colonne vertébrale de l'album. Mmh. Il y a pratiquement une dizaine de titres sur les 13, qui est donc monsieur... Canardo. Comment ça va? Ça va très bien. Bon anniversaire. Hier, on te l'a fêté en direct, c'était hier. Merci Kenza. Avec et merci à tous ceux qui ont fêté. Tu as bien fêté ça toi aussi? Ouais, on m'a fait un anniversaire surprise, c'était super bien. Bon. Moi j'angoisse un peu les anniversaires, j'ai pas envie de les fêter. Mais là on me l'a fêté, je regrette pas, c'était super bien. En même temps, Canardo, c'est un sacré fêtard. Moi je dis rien, Ouais, c'est un fêtard. Il est toujours de bonne humeur. Ouais. Honnêtement, sur l'album, ça a vraiment été un vrai plaisir de travailler avec lui. C'est la première fois qu'on bosse ensemble. En fait, on a travaillé. On a travaillé ensemble sur mon troisième album Trésor en fait en 2009. Il avait fait une prod, un truc assez rap sur un titre qui s'appelait Charisma Style. Et au final, j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête, et surtout Abdel qui est tout le temps, il me parlait de lui, il me disait il est super fort, franchement il faut qu'on taffe avec lui. Et puis ça s'est présenté l'occasion sur cet album. Ouais. Donc voilà, on a commencé à travailler ensemble, d'abord à Marseille, un petit peu à Paris. Et moi ça m'a fait super plaisir de travailler sur ton album. Ouais, c'est cool, incroyable. Moi aussi. Parce qu'elle a toujours ce truc hip-hop en elle et pas comme plein d'autres chanteuses que je dirais pas les noms, mais elle a toujours ce truc hip-hop et elle reste toujours à la base. Et elle est venue me voir, elle m'a dit j'ai envie de faire un truc hip-hop. Et c'est Abdel qui nous a présenté. Ouais. Super belle. Il avait mis une veste de costume, tout ça. Je me suis dit, j'étais obligé de les impressionner, sérieux. Genre, je vais faire un truc sérieux. Il est super sérieux. Et genre, après, c'est Canardo producteur. On arrive en studio, Pididi. Yatayo. Mais en fait, ouais, les séances de studio avec toi, bon, comment ça s'est. Je sais pas, fallait être là en vrai. C'est vraiment cool. On a rigolé. Et puis, travailler avec une personne comme Canardo, ça m'a aussi permis de me lâcher. Il me disait de faire des trucs de fou. Genre de crier, de faire des trucs bizarres et tout ça, mais au final le résultat était là parce que je me lâchais de plus en plus et j'osais des choses complètement dingue. Dingue, c'est ça qui est dingue. Et c'est au final on a continué, on a fait pratiquement tout l'album ensemble. Et puis, en même temps tu disais hip hop, mais c'est vrai qu'il y a aussi, c'est assez large parce que quand on écoute Il est, c'est un morceau qui est aussi beaucoup plus large. Donc tu as une sacrée palette, c'est vrai qu'en prod il a une sacrée palette, le garçon. C'est vraiment varié, il y a des titres, on va en écouter plusieurs que Canardo a produit aujourd'hui. Ça, c'est très très large. Et puis après, nous on a notre côté hip-hop, c'est dans notre phrasé, dans notre langage, dans le découpage. Même si la prod va sonner pop, on aura toujours les mots qui rappelleront d'où on vient. Et ça, c'est notre patte. Et je pense que c'est important de le garder aussi. Toi, c'est ce que tu avais en tête en bossant justement, parce que sur l'album de Kenza. Mais grave, on en avait parlé avec Abdel et son manager. Et ouais, on parlait que de ça, on disait qu'il fallait que ça reste hip-hop et aussi un peu ouvert, mais en même temps qu'il y ait toujours des paroles qui soient aussi, qui rappellent un peu d'où l'on vient, comme tu disais. Et on a essayé de garder cette ligne directrice et voilà. Donc toi, tu faisais quoi? T'avais déjà des sons, t'avais déjà pas mal de sons de côté? Non, on a fait écouter ou c'est sur place? Sur mesure. On a taillé sur mesure. C'est important. Et sur la fin de l'album, on avait plus de force, on était fatigués, tout ça. Et on essayait de se. On peut dire que l'album voulait faire 48 heures non-stop. Non, ça fait partie vraiment des meilleurs moments de ma vie en studio. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment cool. Et puis pour moi, c'est aussi une très belle récompense quand, c'est quand même un grand compositeur. Et quand il me dit, par exemple, un titre comme Yatayo, il fait partie des titres que j'ai fait, que j'aime le plus. Ça me fait super la plaisir. La prod de Yatayo, j'étais étonné quand on l'avait fait. Tu te souviens ou pas? C'est incroyable. Et après, je savais pas quoi faire dessus. Et donc, j'ai dit à Kenza, bon, Abdel, sort du studio, ferme les rideaux. J'ai dit à Kenza, essaye des trucs, crie. Fais n'importe quoi. Et après, vite, Yatayo. Et voilà d'où est né ce titre. Elle est lourde. C'était super. Bien, très très lourd. Et on va écouter plein de morceaux que Canardo a produit forcément ce soir. Carrément. Pink Star fait partie des prods ou... Exactement, D'ailleurs, on va l'écouter. Je l'ai fait en live hier. On va le mettre maintenant. Plein de bons retours. Et c'est produit par Canardo. Et pareil, c'était. Création, on a s'est bien amusé pour cet album. Je sais pas si les gens vont le remarquer, mais on était fous un peu. On était fous. Pink Star, par exemple, le souvenir d'enregistrement que vous avez, c'est quoi? Pink et même Star, le titre, vous expliquerez aussi le titre. On était dans un petit studio, vraiment. On était fatigués. On a commencé par faire des petites maquettes et Abdel, il nous disait faut donner. Et là, il nous donne une idée comme ça. Il nous dit, vous savez que le diamant le plus cher au monde et le plus précieux, c'est un diamant qui s'appelle Pink Star. Ouais. Et il nous a donné cette idée, on est parti là-dessus, d'un sens où voilà, notre jeunesse, elle est peut-être oubliée. Il nous fatiguait, en studio. Ouais, mais voilà, on vaut de l'or et on brille comme des diamants. Et voilà, mais c'est quoi, Abdel, cette histoire de diamants? C'est quoi? T'as eu un truc? C'est ce que t'as sur ta montre là? C'est ce que t'as sur la montre ou pas? Regarde. T'as un Pink Star au poignet ou pas? Non, j'étais en train de feuilleter un truc sur internet. Après, je vois le diamant le plus cher au monde, vendu, je sais pas combien de millions d'euros. J'étais choqué. Je voyais que ça s'appelle Pink Star. C'est un petit diamant rose. Je dis putain, il y en a qui crèvent de faim, il y en a qui achètent des diamants, je sais pas combien de millions d'euros. Ouais. C'est un tout petit truc. Ouais, et on est parti sur ça. Pink Star, ouais. Et puis... Et ben, voilà, on avait faim, ils nous ramenaient que des sandwichs crudités. Les doléances. Ce jour-là, on avait mangé africain. Tu sais, le budget, c'est pour moi. Le budget, c'est à Sony qu'il faut se plaindre. Ouais. Donc, non, Sony, en ce cool. moment, c'est plutôt salade. Donc, non, a priori, et sandwich crudité. Franchement, je te jure que je suis super contente. Franchement, de mener ma maison de disque, on m'a vraiment donné des moyens pour faire un bel album, pour travailler avec des musiciens, pour travailler avec des vrais compositeurs. Et franchement, cet album, il a été travaillé, mais trop, trop bien. Franchement, j'étais vraiment à l'aise et j'ai kiffé sur cet album, vraiment. Ah, et bon, on balance Pink Star. Allez, c'est ça parti. Ça va vous rappeler plein de Pink souvenirs. Star. Yeah. Canardo à la prod. Yeah. Yeah. Swarovski, un phare sur notre art. C'est normal que l'on brille. Bye bye Notre-Dame, bienvenue dans les rues de ma ville. Ça payait peut-être pas de mine, mais t'as creusé, t'as trouvé de l'or. Aussi convoité qu'un diamant, aussi précieux qu'un trésor. Précieux comme un Pink Star, précieux comme un Pink Star, précieux comme un Pink Star, précieux comme un Pink Star, précieux comme un Pink Star, précieux comme un Pink Star, précieux comme un Pink Star, précieux comme un Pink Star. À l'instant, le morceau qui s'appelle Pink Star, morceau donc avec Kenza, ça sort lundi prochain, le 29 septembre, produit par Canardo, qui est là avec nous ce soir. Canardo. Ah pardon, Canardo. Je kiffe ce titre, il met la pêche. Bon, Canardo, d'ailleurs, est-ce que c'est compliqué de se mettre en retrait quand on est, toi aussi, hein, tu rap, il y aura certainement un projet qui arrivera dans les mois à venir. Il y en aura un. T'as aussi, c'est vrai qu'on c'est plus dur pour moi. On le souligne pas assez, mais t'as beaucoup produit pour plein de gens, je pense à This Is, entre autres, mais c'est vrai que t'as fait beaucoup de prod aussi pour plein d'artistes différents. Tu parlais de retrait, je disais c'est moins évident pour moi parce que forcément quand on est producteur et auteur, donc on est un peu plus maniaque pour soi-même, je sais pas, c'est est-ce qu'on se dit pas un moment mal coiffé, est-ce qu'on se dit pas un moment quand on fait une prod, on se dit putain, elle déchire trop, je peux pas la filer celle-ci. je peux pas la filer. Non, des fois je fais des prods, je fais des bonnes prods que j'aime trop, mais je me dis je me verrai pas dessus. C'est vrai. Ça m'énerve, ouais. J'ai envie de poser dessus, mais je me dis non, ça collerait pas avec ma voix, je sais pas. J'ai trop une petite voix. Ouais, t'as quand même ça où tu dis ouais, celui-ci j'aimerais bien le garder. Non, ça va. Ça doit être dur quand même. Moi je pourrais pas. J'écris un truc, après au final je le garde. Ouais, mais moi je suis lourd, j'en fais à la demande. Ouais, voilà, Leonardo. D'ailleurs, je rigole. Des fois on a ce petit truc, mais on se dit c'est pas grave parce que. Et puis, ouais, des proches, j'en ai fait. C'est un kiff partagé, en fait. Voilà. Et tu fais quoi en parallèle? Tu bosses aussi sur ton album? Il y a d'autres choses? Je bosse sur mon album à fond, et il va pas tarder. Pas tarder à être fini. D'accord. Voilà. 2015. Ouais. Très, très lourd. J'ai écouté, il y a plein de titres surprenants. Je sais pas s'il va tous les mettre, mais il a une palette super large, en fait. On est plus dans les choix de qu'est-ce qu'on va garder encore, qu'est-ce qu'on va pas garder. Et ouais, mon album qui arrive en 2015. Et vous avez pas pensé à faire un duo dessus sur l'album? Vous avez pas dit à un moment, tiens, on essaye? Pourquoi pas? En fait, on a fait plein de petits trucs, plein de petites ébauches. Après, c'est vrai que, honnêtement, il y a 13 titres, mais on en a fait, je sais pas, moi, une quarantaine. Donc, je pense que c'est à suivre. Il y a du stock. C'est parti remis. Donc, 13 titres sur l'album. L'album charismatique qui sort lundi. Exactement. Et ça tombe bien, tu m'amènes directement vers mon petit jeu de ce soir. Petit jeu 13 ou 93. Petit jeu, ça m'amuse un petit peu. Donc, 13 ou 93, le principe est simple. C'est ou même parfois les deux d'ailleurs, n'hésite pas à nous dire. L'endroit où tu te sens le mieux? 13. Non, je Peux pas, c'est 13, cœur, là, c'est normal, là, c'est ma ville. J'ai la haine. L'endroit qui t'inspire le plus? 13. Ok. Abdel, tu es sous surveillance. Moi, je suis pas trop d'accord, mais bon. Canardo, si tu veux dire 7-8, n'hésite pas un moment ou un autre. Non, moi, au grec. Voilà, n'importe quel grec. Le public le plus chaud? Ah, question piège, tu peux dire les deux. Hein. Non, 14. 13 plus 93, ça fait. Voilà, très bien. Tu t'en sors bien. Alors attention, maintenant on rentre dans les questions techniques et le questionnaire technique. Un groupe à trois lettres qui a marqué le rap français. IAM. Ça aurait pu être 93 avec NTM aussi. NTM. Les deux. Ça aurait pu être les deux. C'est vrai. Un stade synonyme de victoire. Ben, stade Vélodrome. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Tu pensais pas au stade du Red Star à Saint-Ouen? Non, pas du tout, à aucun moment. Bon, celle-ci, bravo pour la question, Fab. Celle-ci. Bravo. L'OM gagne la Ligue des Champions. Oui. Ouais, 13, 93 ou les deux? Ben, si c'est l'OM, c'est 13. C'était technique, c'était le 13 en effet pour Marseille et en 93 pour l'année du sacre. Question technique des footeux, notamment Fab qui te l'a. Ça commence à partir en live là. Et puis enfin, la dernière 13-93, Kenza Farah. 13 ou 93? 13 et 93. Et voilà. À l'instant, Kenza, ce petit questionnaire sur toi, Canardo, non? Ouais, fais-moi, mais pose-moi des questions, vas-y, moi je suis là, je suis prêt. Et tiens, on m'annonce aussi en même temps dans l'oreillette, tu vas être contente, Kenza. 4-0 pour l'OM face à Reims en ce moment. Ah, ça en direct. En plus, je viens de recevoir un texto d'un ami marseillais qui me dit j'espère que ça te plaît. Swan, j'espère que tu m'écoutes. Ça ne me plaît pas. Bah, ça veut dire que là, l'OM est numéro 1. Bon, après, on est Fred, on a 6 journées. On s'entraîne. On arrive. Voilà quoi, c'est Pink Star. Canardo, toujours pas très foot, toi. Hein. Non, jamais, moi. Toi, jamais, ouais, t'as joué. J'en ai rien à foutre du foot. Par contre, il y a rien qui vous distrait en studio. Si, des vidéos bizarres de films de peur, d'esprit. Des trucs, ouais, on galère des fois à regarder. Des trucs d'esprit. Bon, des trucs d'esprit. Des trucs d'Illuminati, tu regardes. Ouais, je te jure. Tu t'arrêtes plus, t'es là, tu bloques. Je te jure. Ah ouais, vous êtes parti dans le complot. Moi, j'aime bien des trucs, mais ça intéresse personne. Non, ça va. La pochette, tu as étudié. Demande-moi, c'est quoi? Tu as étudié la pochette de. Tu as étudié les triangles qu'il y a sur la pochette de Kenza ou pas? Tu as pas vu? Il y a des triangles, des K, des F. Ouais, j'ai vu ça. C'est bien. C'est doux, hein. Non, moi j'aime bien tout ce qui est histoire ancienne et civilisation ancienne. Oh voilà. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Un jour il a essayé de me faire regarder un reportage, mais quand je te dis vraiment très très mort, sur l'Égypte. Ça intéresse personne, je t'ai dit. Sur l'Égypte, mais en noir et blanc des années 50, j'en pouvais plus. Et il était à fond. Et t'as pas accroché à son doc? Je me suis endormie direct. Il m'a dit alors tu l'as vu et tout. Je dis ouais, lourd. Mais ça, c'est. D'ailleurs, c'est ça quand on est en studio, quand on passe beaucoup d'heures, vous, c'est quoi? Plutôt la nuit? Vous bossez plutôt la nuit? Plutôt en journée? Avec moi, c'est journée-nuit. Hein. C'est environ 14h du lendemain. Ah oui, ça peut être carrément des journées comme ça. Et non, mais ça va, Abdel, il s'occupait bien de nous. On est la pêche. Tu veux ta Red Bull, tu veux un truc, tu peux pas, bouge pas, vas-y. Tu veux un sandwich crudité, tu veux un sandwich juste le pain et la crudité. Franchement, il s'occupait bien. Un moment, je lui ai dit, ouais, tu sais, j'ai envie d'aller au coiffeur et tout. Il m'a dit, bouge pas, il a rien à faire là. Je me laisse moins sortir du studio, il m'a dit. Ah ouais, rentabiliser la famille. Ah ouais. Ah, le mec rigole pas. Continue, mix. On te coupe les cheveux, t'inquiète pas. Et j'ai envie d'un couscous, t'inquiète pas. Ouais, on a été chez ma mère direct. Après, il y en a un, il s'est caché en dessous. Ah ouais, j'étais en dessous de la table de la cuisine. C'était tellement bon, je voulais plus partir. Je me suis caché en dessous de la table, mais pas vu. Il voulait qu'on l'adore. Bien feinté, bien joué. Non, mais c'est des moments importants quand on est en studio, voilà, quoi, parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte. On a l'impression que la musique, c'est aussi beaucoup d'amusement, mais il y a aussi un moment où il faut être concentré et tout. Exactement. Il y a besoin de ces moments où voilà, il faut souffler. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est ce qu'on a fait. On a bien travaillé, mais on a bien ri aussi, donc c'est cool. Bon, dans ces moments-là, on regrette un peu de ne pas avoir filmé tout ça, de montrer aux fans et. Mais ça fait aussi partie de la magie du truc. Mais il vaut mieux des fois, je te jure. Surtout pour toi. Quand tu finis cette torse nu, c'est mieux pour toi. Ah oui. Je voulais pas en venir à cet épisode. Ouais, bon, on va commencer à rentrer dans les dossiers croustillants. Ne bougez pas, c'est dans un instant après la pub. Qu'est-ce qu'on met aussi, Kenza? On va continuer sur une prod à Canardo. On va mettre Être heureux. Très bien. Pour vraiment voir l'étendue large là pour le coup. Pinkstar, c'est un truc assez hip-hop et Être heureux, c'est carrément un autre style. Un truc un peu plus ouvert, un peu plus pop avec des belles guitares et un beau piano. Donc voilà, on va écouter ça après. Ne bougez être pas. Heureux. Kenza Farah, Être heureux, c'est juste après ça. Comme toi, Kenza Farah a choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est avec Kenza Farah toute la semaine entre 20 et 21. Canardo nous a rejoint aussi ce soir. Il est présent sur l'album. Il a beaucoup bossé sur cet album. Yeah. Il a bien rigolé aussi. Ouais, c'était cool. Franchement. Ouais, bon délire. Ouais. J'ai pas de mots en fait. J'avais pas les mots. Non, c'était cool. Franchement, c'est un album que j'ai travaillé. Ben, comme je te l'ai dit hier, j'ai mis environ 2 ans, la création, la mise en place, les textes, les enregistrements, les musiques, le choix, le mastering, les choix, etc. Et je suis très contente, honnêtement. Voilà, le bébé, il est là et ça fait du bien quand c'est terminé. On sait grave. Que. C'est qui? Je sais pas. C'est les sonneries. C'est qui la sonnerie? Ouais, donc ça fait du bien quand ça se termine aussi. Ah, c'est toi? Studio. Je sais pas. Ça mais va. C'est toi, Kenza. Ah, pardon. Et donc voilà, je suis très contente. C'est ton portable? T'écoutes quoi? Ah oui, ben je sais pas. Elle écoute ses propres sons. Non, en fait, je voulais montrer. Elle est fan d'elle. Ouais. Non, je voulais montrer le clip de Ilé à Canardo et je crois qu'il est parti sans faire exprès. Ouais. Très bien, le clip qui arrivera donc peut-être la semaine prochaine ou cette semaine. Oui, ou même cette semaine, il est prêt. C'est une question de temps. De temps. Ouais. Bon, en tout cas, ça arrive. L'album, par contre, c'est sûr, c'est lundi. Il est en précommande dès maintenant. On peut aller cliquer. Moi, je l'ai précommandé déjà. Ah, ben c'est bien, c'est ça. C'est normal. C'est si vous aussi voulez précommander, envoyez les photos de la précommande, allez-y, ouais, les captures d'écran. Sur iTunes, il y a le Ilé qui est déjà disponible. Et là, on va vous faire découvrir un autre titre donc, qui s'appelle Être heureux, produit par Canardo. Un titre voilà, positif, très ouvert. Ouais. Ça m'a fait plaisir cool. Vraiment parce que Kenza, elle n'était pas fermée. Je lui proposais des trucs tellement barrés. Elle me disait, vas-y, viens, on fait comme Pinkstar ou MDF et toi. Et c'est incroyable. J'ai dit, vas-y, je le fais, je m'en fous. Et c'est vraiment bien amusé. En tout cas, ce que j'ai remarqué. Ah non, carrément. Et moi aussi, je me suis bien amusé pour un producteur pouvoir proposer des prods et que la personne en face dise pas non direct. Et ça c'est un truc que tu dois ressentir en même temps. C'est le 5e album maintenant. Si tu compares au tout premier, forcément. Ouais, c'est vrai. Mais comme je disais hier, c'est vrai que sur les premiers albums, j'avais une directive, je la suivais. Et c'est vrai que j'avais du mal à me voir dans autre chose. Et puis au fur et à mesure des albums, je me suis un peu plus découverte aussi, tu vois. Et un titre comme Yata par exemple, c'était juste impossible. Même l'album précédent, c'était impossible. Et j'avais envie. C'est reparti ton portable. Mais qu'est-ce que c'est? Désolée. Qu'est-ce que c'est? Et j'avais envie de m'amuser, voilà, de lâcher prise, de surprendre aussi, parce qu'à un moment donné, quand on annonce des retours pour des artistes, on s'attend toujours à la même chose. Mm-hmm. On sait ce que l'artiste va un petit peu nous servir. Et pour le coup, là, ben tout le monde a été surpris par les choix et par ce qu'on a proposé. Et les titres, ils sont tellement différents les uns des autres qu'on ne sait pas à quoi s'attendre pour l'album. Ouais. Donc voilà. Et ben là, on va découvrir Être heureux. Envoyez vos réactions avec l'hashtag Kenza Farah sur Skyrock. Yes. Petite question pour repartir avec l'album dédicace aussi de Kenza. Hier, on a parlé, puis on l'a mis aussi tout à l'heure dans le replay de l'émission d'hier soir. Quel est l'artiste américain qui a failli featurer, même d'ailleurs qui a featuré avec, avec Kenza, mais le titre n'est jamais sorti. Ouais. Allez-y, quel était cet artiste? 41759 ou via le hashtag Kenza Farah sur Skyrock. On balance être heureux? C'est parti. Yeah. À côté de l'essentiel, sans savoir pourquoi on se démène. C'est les regrets qui viennent s'installer. Mais à quoi bon quand on y pense? Tout ça n'est que futilité. Tellement de choses à découvrir. La tête dans les nuages, montre-moi ces images. Qu'est-ce qu'on a? Le morceau s'appelle Être heureux. Ça fait du bien, surtout en ce moment, d'entendre ces genres de morceaux. Ouais, grave. C'est vrai que des fois, on se prend la tête pour des futilités et tout ça. Et on se dit, bah en fait, ouais, on a, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, quoi. La vie est belle et. on doit profiter de chaque instant, tout ça. Ah, moi, il marche pas mon micro. Mais si, on t'entend. Ah, il me dit tu m'entends ça, bah oui, on t'entend. C'est ton casque peut-être qui marche pas, canardement. On t'entend très bien, rassure-toi. Il s'est enroulé autour de sa chaise, je sais pas. Yeah, yeah. Bon, si tu m'entends, alors, tu es devenu sourd depuis le mix. Ouais, non, j'entends. Tu sais, il y a un problème. Ouais, c'est trop de son dans les oreilles. C'est bon, c'est dans 6 jours la sortie de l'album Être Heureux. Être Heureux, c'est aussi les supporters marseillais. Hein. 5-0 là, on m'annonce à l'instant même 5-0 pour l'OM face à Reims. C'est lourd. Très, très lourd. Abdel, c'est Reims. Abdel, être heureux ou. Comment? Non, ok, c'est pas grave. C'est Reims. Je comprends. C'est Reims, j'ai rien contre ceux les gens de Reims, mais bon. Mais c'est quand même 5. 5. C'est quand même 5. Ouais, c'est ça en fait, 5ème album, voilà. 5-0. C'est ça. Quand c'est ça parle de foot, je me sens toujours seul. Exclu, ouais, mon pauvre canardo. Tu veux qu'on parle de quoi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'on parle de. À part l'Egypte. À part l'Egypte ancienne. À part l'Egypte, ok. Je sais pas, de l'album, ouais. Des moments, je sais pas. Peut-être mettre un autre morceau aussi dans un instant. Ouais, MDF, mais vu qu'on en moi, a j'ai bien parlé. Envie d'écouter MDF, on peut écouter ou tu veux écouter autre chose. Non, c'est pas en le fait, moment. J'aurais bien aimé qu'on mette Yatayo, moi. Comme on en a parlé, vas-y, qu'on Yatayo, a kiffé et tout. Yatayo, MDF, je garde pour demain. Je vais pas tout dévoiler d'un coup. Et tu es fada. Voilà, qu'on remette Yatayo. Yatayo, dans un instant, juste avant, je présente Racim de Saint-Etienne. Salut Racim. Yo, Frédérico. Comment ça va? Ça va et toi? Qu'est-ce que vous avez tous à Saint-Etienne à m'appeler Frédérico, que ce soit toi, Kéfir et tout, je sais pas ce qui vous arrive les gars. Vous sortez les blases de l'époque. On est des classiques un peu. Ouais, c'est ça, ça va Racim ou quoi? Ah, ça va, la forme et toi? Bah, je te présente Kenza, j'allais dire Sopra. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Sopra d'un seul coup, c'est parce que vous parlez foot et que je l'ai vu en début de semaine et il me parlait de Marseille, bon, peu importe. Et Canardo est là avec nous. Okay, j'entends rien, mais ça va mon gars ou quoi? Ouais, j'ai va, un problème de casque, j'entends rien du tout ce qui se passe dans le casque. On va régler ça, t'inquiète. C'est pas grave. On t'écoutera rapper, Racim? Ouais. Allez, vas-y, si, c'est parti, mon pote. Yeah, Racim Carré. Écoute. Assis sur un banc, je regarde défiler le temps. Je me demande complètement encore, je lutterai contre le vent. Ici tout est pénible, mais faudrait que j'idéalise. Que je me dise que je peux partir et vite faire mes valises. Faudrait que je libère ma haine en emprisonnant l'amour. Que j'évacue ma colère tout en gardant mon humour. Combattre les problèmes à main nue du haut d'une tour. Mais la vie c'est pas un scénario à la Roger Moore, enraciné sur le bitume, enfleuri mais sans engrais. Gangréné par le destin et entouré que par la craie. Au poignet ma clé de solfège, j'essaie de m'ouvrir ses portes. Combien m'en a claqué au nez et pourquoi de la sorte? Sur toute la ligne j'ai tort et ma raison se camoufle. Je veux boire et respirer, pas besoin d'une vue qui coupe le souffle. J'attends pas que la vie m'épouse ni qu'elle me mette une bague. Assis sur ce banc mes rêves sont au terrain vague. Sans qu'il y a beaucoup de regards sur moi. On veut porter l'œil, je te crèverai les yeux si tu veux. Louché sur ma feuille, mon père t'as rien écrit, toi t'as juste bouffé la feuille. Question pauvreté, beaucoup trop de familles franchissent ce seuil. Question rap, beaucoup j'essaie, mais finissent par déraper. La gloire me raccroche au nez, même si j'essaie de la rappeler. Je suis pas à l'égalité aux yeux de ta loi. Vu que celle-ci est aveugle, elle ferme les yeux devant mes droits. J'ai aiguisé mes rimes, tu sais que je rappe terrible. Tous les autres veulent être contaminés, j'ai le rôle d'une bactérie. Je prends de large, mais j'ai un océan de problèmes. Du coup tous les jours je me noie pour obtenir la vie belle. J'ai connu les langues de vipère bien avant la langue française. Quand la vérité parle alors, tous les mensonges cèdent. Laisse les chats courir après lorsque je les tiens en laisse. Moi j'ai des vrais messages, toi tu n'as que des SMS. Yes, Racim, parfait. Moi j'ai des vrais messages, toi tu n'as que des SMS. Voilà, à l'instant, freestyle, il manquait juste la dernière phrase. Bravo à toi, Racim. Bravo, beaucoup. Merci la famille. Et grosse dédicace pour Kenza Farah. Merci. Inch'Allah, dans la pomme, il va marcher la famille. Merci beaucoup, Inch'Allah, je te remercie. Racim. Et j'espère que tu te rappelles de moi à Givor à la radio. Oui, c'est possible. À Givor, tu ne te souviens pas de Givor? Ah oui, je me rappelle. Racine Carré, exactement. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup apprécié, c'était un très très bon moment. Merci. C'est pendant mon street tour en fait, j'ai fait un street tour dans toute la là, France. Là, récemment? Ouais, il y a quelques mois sur l'album For Love. Et j'ai rencontré plein d'artistes talentueux et ça fait plaisir de t'entendre. Et on peut te suivre où alors Racim? Vas-y, balance les adresses. Donc moi j'ai ma page officielle sur Facebook, c'est Racim Carré, R-A-C-I-M, espace C-A-R-E. Et j'ai mon Instagram aussi qui est pareil, je suis partout. Eh ben on te suivra, merci à toi Racim. J'ai un projet là qui va bientôt sortir, il s'appelle Rêve de Gosse. Il sera en téléchargement sur internet et voilà, j'espère que Inch'Allah. Ça va sortir, Inch'Allah. Merci à toi Racim. Merci à vous la famille. Merci. Dans un instant, Kenza, tu nous fais quoi en live? En live, je vais vous faire Entre deux rives et Mis à mort. Et bah ça et j'aimerais bien qu'on écoute Yatayo et je vais vous présenter Aaron aussi. Et bon, mais Yatayo ou tu veux présenter Aaron? D'abord Yatayo. Ok, bah c'est parti. Il attendra. Marseille. On est sous. J'aime tellement ce titre. Kenza, elle est devenue folle. Non, mais ce titre, il me fait trop rire. Il est trop bien, je te jure. J'arrive pas à y croire que j'ai réussi à faire un truc fou comme ça, à me lâcher. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. C'est voilà, c'est quand Kenardo t'a dit, vas-y, on tente. Ouais, il m'a dit, fais n'importe quoi. Fais du yaourt, lâche-toi. Je te jure. Fais quelque chose. Et ça, en concert, ça va donner quelque chose, tu vois. Voilà. Tu l'as joué déjà ou pas? Non. Il n'y a pas eu de date encore pour l'instant. Non. Elle est la seule date qu'on connaît pour le 25 janvier au Zénith de Paris. Les places sont en vente ou Et c'est vrai que là, même pendant le Planet Rap, c'est la première fois que je fais les titres en live et tout, donc j'ai un petit peu peur et tout, mais c'est marrant c'est bien, de les découvrir. Ouais, voilà, c'est cool. De bons tracks. C'est cool. Bon, tu voulais nous présenter Aaron. Ouais, je vous présentais Aaron, donc qui est un artiste. Rail, pop, rail NB du label. Bon, il y a rail dans. Okay. Ouais, voilà, c'est principalement rail. Et voilà, il va se présenter. Hein. Ça va, Aaron? Ça va, très bien, bonsoir. Bah, en forme tout le monde. Oui, tout va bien. Donc, pour revenir sur ce qu'a dit Kenza, je ferai plus un peu du rail NB, mais mélangé avec de la pop. Donc, c'est limite un nouveau genre. Et j'espère vous présenter tout ça bientôt. Et alors, pourquoi yes. Aaron est là? Ben Ron il est là parce que c'est la famille, je sais pas. Aaron, installe-toi. Ouais, il m'a dit est-ce que je peux m'asseoir. J'ai dit ouais. Voilà. Une non, mais parce que c'est un artiste qui est très talentueux, qui est dernièrement arrivé en finale d'une émission sur France O qui s'appelle Music Explorer. Mm-hmm. Et ah, mais c'est vrai que tu étais dedans. Exactement, j'étais jury et j'ai eu un vrai coup de cœur donc pour Aaron. Et puis depuis, on est resté en contact et là, il est en train de préparer ses projets. Et on est très contents parce que moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour lui. Et, il a signé il y a peu en maison de disque et voilà, donc il va préparer ses projets. Et mais voilà, t'étais parti, ouais, c'était le concept où tu partais en Algérie. Exactement. Pour essayer de trouver des gens, c'est ça? Dans le Maghreb, ouais. Dans le Maghreb, ouais, plus large. On a fait Algérie, Maroc, Tunisie. Mmh. Et voilà, et Aaron, c'était un artiste donc, que j'ai rencontré au Maroc et qui vit entre la France et le Maroc. Et voilà, il déchire. C'est vraiment quelque chose de nouveau, de souriant. Il a des gimmicks, il a compris, il sait où il va. Et nous, on a kiffé, du coup, Il aime bien le reportage sur l'Égypte ou pas? Je suis pas sûr. Alors, Canardo vend des DVD. C'est ça, 5 en fait. Euros. C'est ça, en fait. 5 euros. Des amis qui aiment l'Égypte. Ayam, à mon avis. Mais l'Égypte, très ancienne. Akash, il va être 5 euros avec toi. Message pour Akash, tu vas être mon pote, c'est bien. Tu vois même Kéops, tout le monde, tu peux voir tout le monde. C'est ça. Et donc, voilà, je pense qu'il sera là dans la semaine. Et peut-être qu'on l'entendra chanter dans la semaine. Ouais, et en tout cas voilà, faut aller checker ce qu'il fait sur internet. Il y a déjà des sons qui sont disponibles et son projet il arrive très bientôt. On suivra ça, Aaron. Voilà, merci à toi. Problème. Merci beaucoup. Et là on va t'écouter chanter peut-être, Kenza. Est-ce que tu es prête? Il y a pas la pub? Ah non, parce qu'après il y a 10 foules. D'accord. Tu veux tout changer, tu veux me foutre le bordel. Non, je te jure. Et je fais un gros bisou à ma chérie, à Mélissa M, qui m'écoute du côté de Marseille. Je fais un gros bisou, c'est ma sista. Et voilà, on attend son album. Grosse dédicace à mon frérot Sefiu. On se capte tout à l'heure. Ouais, Sefiu, c'est trop la famille, je te jure, frère. Si, frère. Ah bah, je peux vous annoncer quelque chose, parce qu'on parlait tout à l'heure de François. Je peux vous dire un truc ou pas? Une exclue totale. Ouais, vas-y. Je sais pas si j'ai le droit de le dire en même temps. Non, tu as le droit, la vérité. On est entre nous. Bon, je vais faire une nouvelle émission sur François qui s'appelle Talent Street. Ouais. Et dans le jury, il y aura un jury. Et Sefiu sera dans le jury. Ah, voilà. On n'oublie pas la base. C'est la famille. Bon, grosse dédicace à Sefiu. Je vais me faire taper sur les doigts avec ces conneries. J'ai peut-être pas dû le dire tout de suite. Grosse dédicace à lui. Bon, ce sera au mois de janvier, en tout cas en diff sur François. On en parlait tout à l'heure de la chaîne qui a aussi révélé Aaron avec toi. Parti pour le live. Grosse dédicace à Gang aussi. C'est parti pour le live. C'est le bazar dans ma tête, je ne sais plus quoi penser, où aller. Je me sens mal dans ma tête, je suis comme oppressée. Non, je veux pas souffrir, déjà ma couleur, non, ne m'aide pas. D'où je viens, ça ne m'aide pas, mais malgré tout ça, je regrette pas. Déjà ma couleur, non, ne m'aide pas. D'où je viens, ça ne m'aide pas. C'est ici que j'ai grandi, mais c'est pas là que je suis née. Oh non, non, non, non. Entre mon père et ma mère, non, je ne peux pas décider. Oh non, non, non, non. Enfant du monde qu'on a parqué dans des baraques. Faut pas y tourner si on a le cœur qui craque. Nos parents ont tapé à s'en casser le dos. 5 fois le front au sol, c'est ce qui nous tient debout. Je vois pas la vie en rose, mais en gris bétonné. Habitués au drame, nos mères ont trop pleuré. Non, je veux pas souffrir, déjà ma couleur, non, ne m'aide pas. D'où je viens, ça ne m'aide pas, mais malgré tout ça, je regrette pas. Déjà ma couleur, non, ne m'aide pas. D'où je viens, ça ne m'aide pas. C'est ici que j'ai grandi, mais c'est pas là que je suis née. Oh non, non, non, non. Entre mon cœur et ma tête, non, je ne peux pas décider. Oh non, non, non, non. Dis-leur qu'on est ceux qui ont grandi avec la rage. T'attends pas à ce qu'ils t'envoient leur bouée sauvetage. Leurs paroles et tous leurs discours n'ont plus d'impact. Sur les frères en bas du bloc qui attendent passer à l'acte. Ils nous ont oubliés, ils nous ont divisés. Je ressens comme une insulte dans le mot étranger. Déjà ma couleur, non, ne m'aide pas. D'où je viens, ça ne m'aide pas. Mais malgré tout ça, je regrette pas. Déjà ma couleur, non, ne m'aide pas. D'où je viens, ça ne m'aide pas. Je regrette pas. C'est ici que j'ai grandi, mais c'est pas là que je suis née. Oh non, non, non, non. Entre rester ou déserter, je ne peux pas décider. Oh non. Mais malgré tout ça, Mais malgré tout ça, je regrette pas. Yeah. Non, je veux pas souffrir. Déjà, ma couleur, non, ne m'aide pas. D'où je viens, ça ne m'aide pas. Mais malgré tout ça, je regrette pas. Déjà, ma couleur, non, ne m'aide pas. D'où je viens, ça ne m'aide pas. Ils ne peuvent pas nous comprendre. On est tellement partagés, blessés. Entre deux rives, c'est en France que mon corps a échoué. Mais malgré tout ça, mais malgré tout ça, je regrette pas. Yeah. Mais malgré tout ça, mais malgré tout ça. Yeah. Hey, Red One. Sont passés les poèmes, les promesses envolées. On passe de l'amour à la haine, de mes rêves t'avais la clé. Un coup trop, un coup passé. Juste avant Entre deux rives et donc Mi Amor produit par Red One, extrait de l'album Charismatique. Terrible, c'est encore une belle soirée qui va s'achever dans quelques minutes. Le temps de retrouver Diffoul et juste avant on fait tourner la roulette, c'est parti. Yes. Alors, qui a envie de jouer? Skyrock t'offre Sin City, j'ai tué pour elle, au ciné, plus ta nouvelle tablette tactile. Marine de Neufchâteau, ça va bien? Ça va bien et vous? Bah ouais, je te présente Kenza. Salut Kenza. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ah bah ça va, nickel. Cool. Bon, tu as noté quand sort le prochain album de Kenza? Lundi. Lundi prochain, le 29. Je vais venir chercher chez toi. Voilà, 9 châteaux et dans toute la France. On fait tourner la roulette, c'est parti. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case Marine, c'est... Cette fois, ils sont allés trop loin. Et bah, c'est le ciné. 4 places de ciné pour aller mater Sin City, J'ai tué pour elle. Super. Qui est sorti la semaine dernière, mercredi dernier, c'est pour toi. Ah bah, c'est cool. Bisous, ah, Marine. Comment? Oui, bien, je te disais bisous. Ah, c'est possible de passer une dédicace? Vas-y, vas-y, on t'écoute. Et bah, déjà, je fais une dédicace à Kenza. Merci. Donc voilà, et aussi à mon copain qui ne croyait pas que j'allais passer. Et bah voilà, t'imagines. Il s'appelle comment? Il s'appelle Florian. Florian, tu vois, regarde, c'était Marine, en direct à l'antenne. À bientôt, Marine. Bah, à bientôt. Ciao, passe une bonne soirée. Merci Kenza pour cette belle soirée. Lundi sort l'album, demain tu reviens. L'album il sort, demain je serai là. Je tiens à remercier beaucoup beaucoup toutes les personnes qui me soutiennent, qui envoient des messages, qui sont là sur les réseaux. Merci à tous. Vous pouvez me suivre sur Twitter @charismaticKenza, sur Facebook Kenza Farah, sur Instagram @charismaticKenza. Gros bisous à tous. Merci pour votre. On va saluer Canardo qui a filé à l'anglaise. Ouais, Canardo, yes. Il avait studio et donc. Ouais, je crois qu'il est parti bosser vite fait pendant le live. Canardo. Et voilà, merci à ceux qui étaient là aussi ce soir, qui me soutiennent. C'est la team, famille là, voilà, la entre nous et voilà. Et là on va retrouver Di Fool maintenant sur Skyrock. Salut la team Kenza. Hey. Coucou. Salut tout le monde. Ça va bien. Bon, moi aussi je reviens de studio puisque j'étais aux États-Unis aujourd'hui, j'étais à New York et à Los Angeles, bien un sûr. Petit tour entre le morning et ce soir pour le clip de Romano qui va sortir dès demain. Ah c'est alors ouais. Voilà, c'est ça, c'est quand après, le clip. Cédric dans mon clip. Oui, t'as Romano, les images. La folie, hein. Ah, tu as les images alors. J'ai les images, ouais. Ah, en fait, c'est quand même la similitude. C'est quoi cette histoire? Elle est quand même dans le double montage. Ah, donc il y a un keuf qui est dans le clip de Kenza Farah qui ressemble à Cédric, mais il ressemble de fou. Mais est-ce que c'est pas lui? Ça, je sais pas. Le menton est le même. Tout est dans le menton. Tout est dans le menton. Dans les mentons. New York City. Et file-nous les photos, Kenza. On va aller regarder ça. Ouais. Voilà, viens, je vais te les montrer. Tu vas être mordre. On va mater ça. On mate ça dans un instant sur Skyrock. Dans un instant, on vous balance aussi à 9h pile dans 5 minutes. Donc, le teaser, le trailer du clip de Gigot Gigoté. C'est pour vous dans quelques secondes. Gigot Gigoté. Qu'on a tourné vendredi. Mais ouais, le clip qu'on a tourné vendredi. Gigoton, Gigoton. Oui, Gigot, Gigot, Gigoté. Gigoton. Non, on a besoin d'un petit truc. Il faut qu'on tourne des fesses qui bougent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut Kenza vient. Ben oui, Kenza. Abdel, vas-y. Abdel. Bah oui, bah oui. Abdel. Alors, vous arrivez dans le studio dans quelques secondes. Là, tu vas en avoir de toutes les couleurs. Il va falloir qu'on tourne quelques. Parce que j'ai vu les Américains aujourd'hui, les Américains qui ont tourné le clip et qui veulent et qui veulent et qui en veulent. Des Marocaines, il y a de tout. Il y a Momo qui court aussi pour rejoindre. Wow, ouais. Il y a des poilus, il y a tout. On va faire tournage de clip. D'ailleurs, vous tous et vous toutes qui nous écoutez, vous nous envoyez vos culs qui bougent sur Gigot, Gigot, Gigoté. On a besoin de tout ça là. On va s'en occuper dans un instant là. Ça fera un live, cette radio. Ouais, c'est bienvenue sur Skyrock. Tu sais, tu connais Kenza quand même. T'es à la maison. C'est bon, c'est l'habitude. Mais gros bisous, amusez-vous bien. Gros bisous, Kenza. Demain 20h21h, Planète Rap. Et nous, on démarre tout de suite avec le nouveau Chris Brown. Avec le son de Chris Brown qu'on vous a déjà fait découvrir cet été sur Skyrock en exclu total. Chris Brown, on écoute Loyal et on vous attend en direct au 01 53 40 30 20. Radio Libre, c'est parti. On attend vos fesses hein, dans Planète Rap. Ouais, ramenez votre boule. Ah bah là, y a tout. À tout de suite. Bah venez. Tous les matins sur